بسم الله الرحمن الرحيم. سندخل في ذلك اليوم في المسألة 76 مسألة في قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشة. Donc, à propos de la parole d'Allah dans le sens où il dit que certes Allah n'ordonne pas d'accomplir les turpitudes. Al-A'raf, verset 28. قال رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة يتوهم خلاف ما دلت عليه في من ظاهر آية أخرى وهي قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. Donc ce noble verset cité par Allah Azza wa Jal a l'air d'être en contradiction avec un autre verset cité dans Sourate Al-Isra, le voyage nocturne, verset 17, où Allah, dans le sens, il dit et que si jamais nous voulons détruire une contrée, alors nous ordonnons à ces riches, c'est-à-dire de faire des turpitudes, et par la suite, nous les détruisons, en fait. À cause des turpitudes et des perversions commises par les gens aisés et riches et les notables de ces contrées. Donc là, on a comme une contradiction. قال الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. Que la réponse en cela sera de trois façons de faire. Ou trois angles. الأول وهو أظهرها أن معنى قوله أمرنا مترفيها أي بطاعة الله وتصديق الرسل ففسقوا أي بتكذيب الرسل ومعصية الله تعالى فلا إشكال في الآية أصلا. Donc la première réponse qui elle apparaît comme étant la plus claire, la plus propre, c'est que le sens de « nous ordonnons aux notables, aux gens aisés », c'est-à-dire « nous leur ordonnons d'obéir à Allah et de croire au messager ». D'accord ? Mais il dit « fafasaku ». Cependant, car le fisc, c'est « khuruj anata'a ». Le fisc, réparation, c'est le fait de sortir de l'obéissance. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, eux ? Ils sont sortis de l'obéissance en démentant les messagers et en désobéissant à Allah Azzawajal. Donc, par cette réponse-là, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune contradiction. D'accord ? La réponse, elle est claire par rapport à ça. Deuxième réponse, أَنَّ الْأَمْرُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا أَمْرٌ كَوْنِي قَدَرِي لَا أَمْرٌ شَرْعِي أَيْ قَدَّرْنَا عَلَيْهِمْ الْفِسْقِ بِمَشِيَتِنَا وَالْأَمْرُ الْكَوْنِي الْقَدَرِي كَقَوْلِهِ تَعَالَى كُونُوا كِرْدَةً خَاسِئِينَ كُونُوا كِرْدَةً خَاسِئِينَ. Donc, deuxième réponse, c'est que maintenant le Amr, l'ordre qui était donné à ces gens-là, c'est-à-dire aux notables et aux gens riches, c'est un ordre kouni qadali, comme on dit par la machia, dont on a parlé déjà, qui est liée, elle, à la création, qui est liée au destin, et non pas celle qui est liée à la législation, l'Amr al-Shari. Voyez, on peut dire irada. Shar'iyya wa kouniyya, on peut dire amr kouni wa shar'i. Ça revient à la même chose. Et ça, c'est un point qu'on a déjà cité précédemment dans le Durus. Donc, c'est-à-dire que nous avons prédestiné à ces gens-là, par notre machi'a, par notre volonté, qui est elle, kouniyya, c'est-à-dire celle qui a forcément lieu et qu'on n'aime pas forcément, qu'ils feront du fisc. Et parmi ceux qui prouvent cela, justement, ça parle dans le sens où il dit, soyez donc des singes abjects, en parlant des Bani Israël. Ça, c'est quoi, là, à ce moment-là? C'était une volonté liée à la création. Sourate al-Baqara, verset 65. وكذلك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Et que juste son ordre, s'il veut quelque chose, c'est qu'il dise soit et la chose elle est. Sourate Yassine, verset 82. والأمر في قوله تعالى. Donc là, il montre bien que le mot أمر ici, إنما أمره, si une chose, c'est-à-dire son décret, on traduirait par son décret, son amr, l'on traduirait par son décret, qui revient au qadar, au destin. Et alors que dans le verset « Qul inna Allah la ya'muru bil fahsha » que certes Allah ne donne pas la turpitude, là le amr c'est quoi? Qui est lié à l'irada al-shar'iyya, à la volonté de la... qui est lié à la législation. C'est-à-dire, c'est un ordre, une chose qu'il attend de nous que nous fassions, mais que nous ne ferons pas forcément et que lui l'aime forcément. فظهر ان الامر المنفي غير الامر المثبت. Donc de là nous apparaît que le décret, l'ordre que Allah a affirmé n'est pas le même que celui qu'il a récusé, qu'il a nié par la suite dans l'autre verset. Il y en a un, c'est shar'i, et l'autre il est quoi? Kauni. Et le troisième wajh, c'est quand il dit dans le sens anna ma'na amrana amarna mutrafiha, nous avons ordonné à ces gens aisés, c'est-à-dire amarna, ça a le sens de multiplier, tabam, d'accroître leur nombre. Kasarnahum hatta batiru al-ni'ma fafasaku, à tel point qu'ils ont été agrand vers le bienfait, ils se sont mis à devenir à sortir de l'obéissance. Et ce sens-là a été appuyé par un autre hadith où le mot ma'mour est venu par le sens mukassar, qui veut dire multiplier. Le hadith, j'aurais du mal à le traduire, donc je ne l'ai pas cité là, mais ce hadith appuie le sens que amr qad yati bimana kassara, qui veut dire le fait de rendre plus nombreux, d'accroître. Wallahu ta'ala a'lam. En tout cas, les deux autres réponses citées, elles sont beaucoup plus claires et beaucoup plus limpides par rapport à cette ishkel. Naam. Wa bihadha al-qad naktafi. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.